Alors, il est l'heure de passer à la chronique de Jérémy Chevalier, qui est là et qui va nous parler de son travail, de son atelier qui se déroule tous les jours au premier étage. Attila Faravelli, Jérémy Chevalier ou les deux ? Hein ? Quoi ? Eh bien non, aujourd'hui c'est Jérémy Chevalier. Bonjour Jérémy. Bonjour, bonjour Archi Radio. Comment ça va ? Bof, mais ça va. Bof ? Ouais, je suis un peu déprimé ce matin. Ah mince. Oh. C'est la vie, hein, c'est pas grave. Très bien. Je peux pas parler de mes problèmes psychologiques à l'antenne. Bah, est-ce que ça a un rapport avec le son ? Ouais, non, c'est plus un rapport avec la vie, mais alors, c'est pas grave. On peut parler de ça si vous voulez, mais... Buvons un peu de chuse. Peut-être un peu de chuse, je pense que c'est plus intéressant. Ouais. Et parlons de son. Je vois qu'aujourd'hui, tu es venu avec ton enregistreur, hein, donc j'imagine que c'est sûrement pour nous faire écouter quelque chose. Ouais, alors vraiment, c'est des... Je pensais plus parler à la base. Ça, c'est insupportable, ce truc. Ça fait tellement de bruit, alors qu'on... Ouais. Non, mais je voulais parler un peu... Oula. En gros, bon, c'est un petit enregistrement que j'ai fait ce matin avant de venir, parce que je me suis dit, bon, il faudrait quand même que j'enregistre un peu les oiseaux avec ces espèces de micros bizarres. Je ne sais pas si ça a marché. Je ne sais pas si on entend, parce que... on n'entend pas. Je ne sais pas, tu as mis le mini-jack dans le, dans ouais, le truc, alors, dans le bon trou. C'est possible que je me saute. Tu l'as mis en line-out, en phone, en quoi ? Line, alors, ah ouais, il y a la sortie casque, mais... Alors, Mélia Roger vient à la rescousse de Jérémy et elle débranche le mini-jack pour le mettre parce de l'autre que ça, côté. Ça ne sort pas dans le, dans le mix-out. Alors, c'est pour ça que je sais pas si ça va marcher. Toujours rien. On n'entend toujours rien. Mais ouais, c'est mais c'est bien ce que je craignais. Sortie casque direct. Go. Vas-y, là, sortie casque. Et là. Et là, magie. Toujours rien. Est-ce que t'as fait play ? Oui. T'es sûr ? En fait, mais en fait, le problème, je crois, c'est parce que en fait, j'enregistre la piste là et j'enregistre pas la sortie stéréo, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que je sais pas comment écouter juste la première piste sans avoir enregistré la piste stéréo qui va avec. Il faut monitorer la piste 1. Ouais, peut-être, c'est ça. Sinon, tu peux. Ah, bravo, Mélia. Ah ouais, génial, merci. La classe. Je vais baisser un peu. Bon, vraiment, je me suis posé dans un parc avec des oiseaux et des voitures, mais surtout des oiseaux, et puis des enfants. Puis bon, je me suis amusé un peu. Alors on entend tous les petits crépitements du micro qui bouge parce que je l'ouvre et je le ferme. Comment ça, tu ouvres et tu fermes le micro ? Ah ouais, pardon. C'est cette espèce de micro, justement, cette espèce de bloc de terre dans laquelle je creuse une cavité. Et puis je module en fait la fréquence de résonance en l'ouvrant ou en le fermant. Puis je me suis dit, bon, je vais faire un test vraiment... comme ça avec les oiseaux, en essayant d'ouvrir et fermer, et puis voir si j'arrive à trouver une fréquence qui entre en résonance avec les oiseaux. Je me suis dit, ah, ça peut être pas mal d'avoir un truc. J'y suis pas trop arrivé, parce que c'est trop aigu. Puis évidemment, ça crée plus un filtre, ce qu'on appelle un coupe-haut, ou un passe-bas. Mais s'il n'y a pas possibilité que ça rentre en résonance avec d'autres sons, puisque le paysage sonore urbain est quand même assez riche, et puis enfin... Là, on entend finalement effectivement pas vraiment les oiseaux, mais j'ai l'impression qu'on entend quand même la ville, son vomissement. J'entends des petits détails comme ça. Donc, est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu d'autres résonances qui sont arrivées ? Mais surtout la résonance des voitures qui passent sur la route à côté. Voilà. Mais c'était un petit test, hein. Je suis arrivé avec ça en me disant... Mais par exemple, ce phénomène ouais. qu'on entend de souffle comme ça, ouais. très étrange. Est-ce que c'est les voitures ou c'est autre chose ? T'arriverais à nous décrire un peu ce qu'on entend C'est, en fait, c'est la... C'est comment dire ? Ah, c'est fini. Ah, c'est fini. Bah, j'ai fait ça vite fait. Je peux le remettre, hein, si vous voulez. Oui, allez Mais du coup, on a un peu l'impression que tu mets ta main devant quelque chose. Mais c'est un peu ça, mais en fait, c'est le même principe. Hein. C'est comme quand on écoute dans un coquillage aussi, cette espèce de résonance et... C'est un phénomène acoustique, en fait, qu'il y ait la résonance de l'espace qui est renvoyée, puis il y a certaines fréquences qui sont filtrées ou augmentées. Puis là, il y a clairement ce truc, il y a une sorte de résonance qui est liée à la taille de la cavité. et le bruit alentour, en fait, et puis il y a certaines fréquences qui sont boostées. Enfin, j'arrive pas très bien à expliquer ce matin, faut que je boive encore un peu de Suze. Et donc ça, c'est une expérience que t'as fait seule ou t'étais accompagné de workshoppers et de workshoppies? Là, j'étais tout seul ce matin. D'accord. Mais effectivement, c'est peut-être quelque chose que je vais proposer avec les personnes qui passent. Durant ton atelier, vous faites quoi? Il se passe un peu quelque chose? Je sais qu'hier, tu m'as raconté que finalement, t'étais plutôt dans une sorte de workshop permanent où les gens pouvaient venir te voir, tu partageais un moment avec eux et puis repartais. Ouais, tout à fait. Plutôt que de faire un truc vraiment sur inscription où il n'y avait pas grand monde qui s'inscrivait. Enfin, j'ai eu une personne qui s'inscrit. Apparemment, il y en a encore une autre vendredi. Je me suis dit, c'est plus simple de faire un truc un peu informel où, en fait, je suis là et puis les gens viennent, ils ont dans mon espace, il y a les vidéos qui tournent, ils peuvent voir les vidéos. Et après, moi, je suis derrière, je bricole mes espèces de micros. Et là, je leur parle, je leur fais écouter, je leur propose des sortes de balades sonores avec des micros comme ça préparés. Et les sons des frigos? Les sons des frigos aussi. Il y a le son des frigos qui est un peu une surprise. Ah, on vient de spoiler la suite des chroniques de Jérémy. Le son du frigo, je t'ai fait. Non, c'est pas grave. non, c'est pas spoil. Non, c'est. Il y a ça. Il y a aussi. Alors, j'ai commencé hier, mais je vous ai pas en parlé aujourd'hui, mais c'est le début. Parce qu'il fallait faire un truc avec ce parquet qui grince énormément. Et j'avais aussi l'idée de faire une sorte de faire des field recording à la bouche. C'est-à-dire mimer des field recording comme ça, puis je savais pas trop comment demander. Je me suis dit, mais en fait, plutôt que d'enregistrer ce parquet, je vais demander aux personnes d'imiter ce parquet. Puisque j'ai commencé une espèce de collection d'imitations de bruits de parquet par plusieurs personnes. Et je vais commencer à composer une sorte de pièce. Moi, ça me donnerait envie de savoir comment tous et toutes ici, on imite le bruit du parquet. Enfin, parce que là, c'est quand même l'occasion. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes devant toi. Qui ont toutes bu de la suze. C'est génial. Mais toi, t'as fait, Jonathan, je t'ai pas demandé hier. Non. Je t'ai pas demandé. Le bruit du parquet, on t'écoute, Jonathan. Ok. Je t'ai pas demandé de m'imiter le bruit du parquet. Je crois que je l'avais fait. Je sais plus. Ah non, non, c'est pas vu hier. Non. C'est ça donc qu'on va entendre. Non, on va entendre ça plus tard. Ok. Maintenant, mais justement, je vais demander aux gens de faire des imitations du parquet. Ouais, mais là, j'ai pas mon micro, je suis con. Il faut encore que je. Bah, je vais passer à nous. Il faut que je prenne le temps de passer à voir ces workshops. Est-ce qu'il faut répéter les sons de parquet? Ah, mais en fait, faut pas répéter, justement. C'est ce qui est génial. Et ce qui est super, c'est que je tourne le micro aux personnes et puis que les personnes essayent un bruit de parquet. Fait. Non, en fait, c'est pas comme ça, c'est plutôt une porte. Puis ils essayent d'autres trucs. Et puis, je vais un peu tout garder. Puis. On soit comment devenir parquet. C'est ça, le devenir parquet de l'humanité. Voilà. Et là, on va devoir terminer cette chronique. Déjà. Mais justement, est-ce que pour finir, tu voudrais pas... Nous faire le parquet. Nous faire le parquet. Oui. Le devenir parquet par Jérémy Chevalier. Un peu un truc comme ça. C'est les pas, oui, je pense que t'es quand même, on peut parquer quand même. Hein. Ouais. Mais tu verrais, celle d'Harrison est incroyable. Ah oui, ouais. Ah, donc c'est Harrison le roi du... Bah, il a une théorie sur comment il faut faire le parquet. Et là, c'était plutôt quel type de bois pour ce parquet que tu viens de nous imiter? Ça, je sais pas, c'est du... Du chêne. Du chêne. Merci, Mia. Super, voilà. Bon, bah, c'était très court. Bon, bah, merci beaucoup, Jérémy. Et puis, on arrive doucement à la fin de Archi Radio, de notre grâce matinale, comme dit Antoine.